Hello mes petits poulpes et bienvenue sur le podcast de Madame Grognasse. Un nouveau format pour vous présenter un nouveau concept que j'avais envie de sortir qui s'appellera Pourris-moi une chanson. Ah, les belles chansons anglophones que l'on écoute avec tendresse et nostalgie, mais dont on ne comprend parfois rien. Ou qu'on comprend bien, mais dont on ne se pose pas forcément la question du sens. Heureusement pour vous, je passais par ici et j'ai eu l'envie de vous pourrir les chansons que vous aimez. Quelle chance! Par une traduction approximative ou un double sens, vous n'allez plus pouvoir les écouter de la même façon. On commence, vous l'aurez compris, avec Every Breath You Take du groupe The Police. Dans le genre double sens, je vous promets, c'est plutôt sympa. Voilà, donc on va commencer un peu la traduction en douceur. Hein. Every breath you take and every move you make, chaque respiration que tu prends et chaque mouvement que tu fais. Donc jusque-là, ça va. Je pense qu'il n'y a rien à signaler. Ensuite, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Chaque lien que tu brises, chaque pas que tu fais, je te surveillerai. On a donc une situation perverse où le mec psychopathe explique tranquillou que oui, bah voilà, tu vis ta vie, tu respires, tu bouges, hein, bon. Moi, je suis cachée, je te vois! C'est pas un peu creepy? Du tout. Non, toi bien. On enchaîne ici avec Every single day and every word you say, chaque jour et chaque mot que tu prononces. Every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Chaque jeu que tu joues, chaque nuit que tu passes, je te surveillerai. Donc voilà, d'entrée de jeu, on a une situation complètement creepy, comme je le disais, dans laquelle un mec pseudo-romantique, hein, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il essaie de nous faire croire que c'est une chanson romantique, il nous explique à son aise qu'il est limite planqué dans les buissons de quelqu'un. On s'imagine bien en plus qu'il a des jumelles et un sachet de pop-corn, je sais pas pourquoi, et qu'il l'épie jour et nuit dans la vie quotidienne. Et il y a des gens qui dansent des slow là-dessus. Voilà, donc ici on va passer à une traduction plutôt sympa aussi, que certaines filles un peu sensibles pourraient qualifier de trop romantique parce qu'en fait, si tu écoutes bien, il te dit qu'en fait c'est le destin, parce que la fille, elle devait finir avec lui. Non, voilà. Juste non, parce que quand tu traduis « Oh, can't you see you belong to me, oh my poor heartaches with every step you take »« Oh, ne vois-tu pas que tu m'appartiens, comme mon pauvre cœur souffre à chaque pas que tu fais ?» Déjà, faudrait peut-être lui expliquer que un être humain n'appartient pas à un autre être humain. Tu peux pas acheter les gens, tu peux pas posséder les gens, hein. Ça s'appelle du trafic d'êtres humains en fait. C'est pas possible. Et donc du coup là, on a une situation qui passe de perverse à perverse narcissique, hein. Voilà. Tu m'appartiens à moi, tu n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. Tu es en gros une poupée, un jouet entre mes mains. Voilà. Et à chaque pas que tu fais, mon pauvre cœur souffre. Donc en gros, tu t'éloignes de moi de 1,5 cm, je pète une quille. Voilà. C'est beau ça, hein? Mais en plus, si c'est toi qui t'éloignes, bah c'est ta faute si je souffre au final. C'est pas à moi de me remettre en question, c'est toi qui fais des conneries, ma cocotte. Ou mon coco, hein, parce qu'on sait jamais s'il parle d'une fille ou d'un mec en fait. Comment vous dire? Alors, on continue ici avec presque la même rengaine du début. Hein. On a « Every move you make and every vow you break, every smile you fake and every claim you stake, I'll be watching you. Chaque mouvement que tu fais et chaque vœu que tu brises, là c'est toi qui me les brises, mon gars, chaque sourire que tu feins, chaque demande que tu mets en jeu, je te surveillerai. Ça passe ici carrément à un autre niveau, on est d'accord, hein? Donc non seulement il n'y a pas le choix, tu m'appartiens, point barre, c'est la vie, voilà, fais avec cocotte, ou coco, encore une fois. Mais en plus, si tu brises tes promesses, que tu fais semblant de sourire, ou que tu me demandes des trucs, je serai là à te surveiller. Je sais pas vous, moi je prends ça pour une menace un peu, non? Je sais pas, j'ai comme l'impression que le mec, limite, lui dit voilà. T'as pas le choix, tu m'appartiens. Je ne te laisse aucun choix, mais si en plus tu ne m'appartiens pas à mes conditions, prends garde à toi. C'est chelou, et on sort des musiques comme ça, juste c'est chelou, en fait. Ce qui nous amène donc ici au dernier couplet. Je dis dernier couplet parce que le reste de la chanson étant une suite infinie. De répétition des mêmes phrases qu'on a eues au début, comme si le mec perdait complètement la boule, et voilà, qu'il pouvait pas s'empêcher de juste répéter à l'infini tout ce qu'il lui a dit. Je vais peut-être pas m'étendre dessus à vous répéter les mêmes phrases et à répéter la même analyse que j'ai déjà faite. Voilà, donc comme je le disais, dernier couplet ici qui arrive et qu'on va pouvoir analyser. Voilà, donc première phrase du dernier couplet. Since you've gone, I've been lost without a trace. Depuis que tu es parti, j'ai disparu sans trace. Ok, donc du coup la fille se barre. C'est très bien, ça veut dire qu'elle a eu la possibilité de se barrer et de pas finir en syndrome de Stockholm. Déjà, c'est une bonne chose. Mais le mec a décidé de se perdre. Ou au moins de disparaître. Sans trace, pour que personne puisse le retrouver. Pourquoi? Quel intérêt de faire ça? Tu crois franchement que si tu disparais, la fille va se dire: Oh mon Dieu, mais c'était l'homme de ma vie! Ah, il faut absolument que je le retrouve, c'est pas possible, je m'inquiète trop pour lui! Je pense que tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec A dream at night, I can only see your face. Je rêve la nuit, je ne vois seulement que ton visage. Ben tiens, tu m'étonnes pour un obsédé pareil. Je pense que c'est de base, hein, voilà. À partir du moment où tu stalks une fille et que tu veux pas la lâcher d'un poil et que tu estimes qu'elle t'appartient entièrement. Effectivement, la moindre des choses, c'est de rêver d'elle chaque nuit, quoi. Hein. Voilà, c'est la base, quoi. On a ensuite I look around, but it's you I can't replace. Donc je regarde autour de moi, mais c'est toi que je ne peux pas remplacer. Ben non, ben oui, mais forcément. C'est l'objet de tes désirs les plus profonds depuis le début de la chanson. Tu l'observes dans les buissons depuis le début. Tu veux qu'elle t'appartienne corps et âme? Oui, forcément, tu vas pas pouvoir la remplacer en un claquement de doigts. Déjà, les gens normaux qui ont une relation saine avec des personnes saines, quand ça se termine, ont du mal à passer le cap tout de suite. Donc forcément, mon gars, c'est pas comme ça que ça va aller, quoi. I feel so cold and I long for your embrace. J'ai si froid et j'attends ton, pff, on va pas dire embrassade, mais un gros câlin, quoi, en gros, hein. Voilà, il veut voir la fille, quoi. Il a froid. Bah, mais en plaide. Que veux-tu que je te dise? Mets un plaid. Ne te balade pas tout seul dans la forêt. En faisant genre j'ai disparu aussi. Peut-être que ça peut aider, effectivement. Dernière phrase. I keep crying, baby, baby, please. Je continue de pleurer, bébé, bébé, s'il te plaît. Oui, mais si elle veut pas, c'est pas parce que de un, tu vas l'appeler bébé, c'est super démodé, c'est super naze. qu'elle va revenir, et de deux, c'est pas parce que tu dis s'il te plaît, je sais que peut-être que quand tu étais petit, on te disait que si tu disais s'il te plaît, tu aurais tout ce que tu voudrais, mais c'est pas parce que tu vas dire s'il te plaît que madame va revenir, on est bien d'accord. Ou monsieur, encore une fois, parce que je dis madame, mais on ne sait pas, on ne sait pas, le genre n'est pas précisé. Ouais, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, c'est pas pour autant que la personne va revenir. Surtout quand on est aussi chelou que toi. Personnellement, je prendrai mes jambes à mon cou le plus loin possible, mon gars. Arrête de la harceler. Voilà qui conclut ce podcast. J'espère que le concept vous aura plu. Surtout que vous n'écouterez plus cette chanson de la même manière maintenant que je vous l'ai un peu pourrie. N'hésitez pas à me dire si le concept est sympa, si ça ne l'est pas, s'il y a des choses à améliorer. Je suis tout à fait ouverte aux critiques, il n'y a aucun souci. Et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle chanson à pourrir. La bise dans vos faces!